Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 19e épisode de la mécanique des ondes, trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles qui sont devant et derrière le micro. Vous avez bien entendu, j'ai dit celles qui font la radio sont à l'honneur dans cette série d'été de la mécanique des ondes. Pour le 4e épisode de cet été, j'ai le plaisir d'avoir une journaliste animatrice au délicieux accent anglais que vous connaissez sur notre antenne car elle fait partie de l'équipe qui anime ACP Today deux fois par mois le lundi soir. Jenny Godula, bonjour. Bonjour Cécile. Alors, la première question est obligatoire, mais je sais que vous ne pourrez pas y répondre, mais je la pose quand même. Vous êtes au micro d'une radio associative, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Mais bien sûr, ça me rappelle des souvenirs. Bien sûr, pourquoi je ne peux pas répondre à cette question? Par rapport au paysage radiophonique américain, mais on va y revenir plus tard. Pas forcément au paysage radiophonique américain, mais radiophonique française, bien sûr. Alors, vous avez commencé où? Comment? Alors, j'ai commencé à Fun Radio il y a très très longtemps. En fait, je suis arrivée en France, attends, je réfléchis, en 1989 et j'ai travaillé comme serveuse dans un bar. J'avais fait des études de journalisme, mais je voulais apprendre le français. Donc, j'ai commencé à discuter avec mes clients parce que je voulais faire du journalisme en disant « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille à la radio ?» Et j'ai essayé de faire mon petit chemin comme ça. Et j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait à Fun Radio. Donc, à l'époque, ils avaient une campagne de pub où, en fait, c'était que des voix étrangères. Donc, ils cherchaient une voix américaine. Donc, je suis venue pour faire quelques pubs comme ça, quelques jingles comme on dit dans le métier. Et puis pendant ce temps-là, il y avait un Américain qui s'appelait Dwight Thompson qui était un animateur de radio. Il avait une grosse voix comme ça et il annonçait les disques le soir. Mais il s'avérait que ce monsieur Dwight Thompson était également un marine et c'était pendant la première guerre de Golfe. Donc on est en 91 maintenant. Et en fait, du jour au lendemain, on m'a appelé pour me dire « Écoutez, notre animateur est parti faire de la guerre. Est-ce que vous voulez pas venir faire une émission de radio ?» Donc moi, j'ai parlé à peine le français. Et j'ai dit « Ok, allez chiche, pourquoi pas ?» Je connaissais un peu les locaux parce que j'avais déjà fait des voix, etc. Donc je suis arrivée et là, je me suis retrouvée devant un micro pour la première fois de ma vie avec le technicien qui m'a écrit d'une manière phonétique « Dans un instant, vous allez écouter Bob Marley. » Et j'ai commencé comme ça, la radio. Alors, on revient un petit peu avant. Vous avez fait donc des études de journalisme. Où ça? Pourquoi? J'ai fait des études de journalisme dans une université à Chicago qui s'appelle Northwestern. C'est une université qui est très réputée pour le journalisme. Et en fait, au début, j'avais pas commencé en journalisme, j'avais commencé en théâtre. Parce que toute mon enfance, j'avais fait pas mal de comédies musicales. J'ai chanté dans l'opéra de Chicago quand j'étais jeune. J'avais fait pas mal de spectacles un peu dans les parcs d'attractions comme Disney. Donc, j'étais très attirée vers le théâtre. Donc, je me suis dit, tiens, je vais commencer un peu là-dedans. Et après, la première année, je me suis dit, tiens, je crois pas pour un métier, c'est ce qui me convient. Je m'estimais pas assez bon, tout simplement. Mais je dis, je sais que j'ai d'autres dons. Donc, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres possibilités dans cette université? Et comme ils avaient ce bon programme de journalisme, je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer d'aller dans ce sens-là? Et c'est à ce moment-là où j'ai changé dans ma troisième année. Parce qu'aux États-Unis, on peut changer très tard, pas comme en France. Et donc, j'ai commencé le journalisme dans mon troisième année d'université. Et voilà, j'ai eu mon diplôme. Et aux États-Unis, vous avez eu des expériences professionnelles? Est-ce que Très peu, en fin de compte. C'est ça qui est drôle avec ma carrière. C'est que j'ai toute mon expérience professionnelle aux États-Unis. C'est en tant qu'actrice, chanteuse, comédienne. J'ai fait quelques stages dans le marketing, la communication, mais assez pour savoir que c'était pas pour moi. Non, donc toute ma carrière est en Europe. J'avais passé par Londres. Par contre, j'ai bossé pour le BBC World Service, qui était la radio un peu comme, voilà, comme un France 24 aujourd'hui pour la radio. Et j'ai commencé là-bas et puis après, je suis venue en France. Alors, pourquoi la France? Ah, c'est une bonne question. Franchement, il n'y avait pas d'histoire d'amour, il n'y avait pas vraiment rien. C'était juste, j'avais fini cette année à Londres et j'avais pas envie de rentrer aux États-Unis, tout simplement. Et j'avais un copain d'université qui était ici en France, donc je savais que j'avais un endroit pour dormir, je pouvais dormir par terre chez lui. Et je dis, allez, pourquoi pas? Donc je suis venue à Paris vraiment comme ça, par hasard. Et j'ai vite trouvé un boulot en tant que serveuse et chanteuse dans un bar qui s'appelle Hollywood Savoy, comme je savais chanter, comme je l'avais fait dans le passé. Et puis, je me suis dit, écoute, je vais faire ce boulot comme serveuse-chanteuse. Et voilà, après, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait mon petit bout de chemin et voilà, j'ai trouvé ma place. Alors, à Fun Radio, vous commencez en 91, hein, donc avec une émission. Une longue histoire d'amour, en fait, avec Fun Radio. Ah ouais, vraiment, c'était un truc, je crois, combien d'ans j'étais là-bas? Jusqu'en 98. Ouais, tu vas savoir. Tout droit, on vous voit, je ne sais même plus. On se vous voit. Allez, pour les auditeurs. On se voit. Donc, vous devez savoir mieux que moi. Et en fait, oui, 9 ans et j'ai fait plein de tranches différentes. J'ai fait une émission. En fait, le plus sympa, c'était le soir. On a fait une émission défi avec une copine qui s'appelait Julia. Et donc, on était, il me semble, la première émission animée par les filles en FM, voilà, en France. Donc, je suis assez fière de ça. Et c'était un talk et on a pu recevoir des auditeurs qui posaient des questions sur tout et n'importe quoi. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait un peu les matinages, j'ai fait un peu les week-ends, j'ai fait un peu les nuits, j'ai vraiment fait tout. Toute la grille. C'était très sympa. Et alors, justement, vous commencez donc en passant des disques et ensuite on vous propose une libre antenne. Est-ce que vous avez proposé des choses? Comment vous avez évolué finalement au fur et à mesure de la grille? On vous l'a demandé, vous l'avez fait? Mais oui, tout simplement. En fait, au début, c'était que les émissions musicales, puisqu'en fait, je parlais pas français, mais vraiment, je parlais pas. Hein. Il faut savoir que je parlais pas du tout le français. Et donc, j'ai commencé juste parce qu'ils aimaient l'accent, ils trouvaient ça mignon. Et puis, comme c'était à l'époque où Love and Fun, c'était une émission, en fait, un talk qui avait bien marqué les jeunes en France, c'était la première libre antenne parce qu'à l'époque que j'étais à la radio, il y avait pas beaucoup de FM. Et donc, les FM ont commencé à venir pendant ces années-là, quoi, les années 80 et 90. Et au fur et à mesure, ils sont beaucoup plus ouverts, pas seulement vers les émissions musicales, mais les talk shows comme les Hertziennes. Et donc, du coup, comme Love and Fun marchait bien, ils ont dit, écoute, pourquoi pas faire une suite? Et comme j'étais dans les parages, il y avait cette fille Julia qui faisait des matinales à l'époque, ils ont dit, ça sera chouette de faire une émission des filles parce que ça n'existait pas. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça et vraiment, j'étais prête à partir à l'aventure et c'était une super aventure. Hein. Ouais, parler avec les auditeurs, ça vous a amené quoi? Plein de choses. C'était les échanges, c'était des questions, de pouvoir répondre aux questions des jeunes, parce qu'on avait beaucoup à l'époque, à Fun, tous les auditeurs étaient jeunes, ils avaient 14, 15, 16 ans. J'en faisais partie, Jimmy. Mais, c'est mignon. Mais même 10 ans, 12 ans, donc c'est mignon parce qu'on a tous passé par là, on a tous passé par l'adolescence et on sait que c'est difficile parfois d'avoir un conseil d'adulte. Bon, on était jeunes, moi j'avais 20 ans à l'époque, mais un conseil de grande sœur, si tu veux. Et donc, du coup, c'était sympathique de pouvoir les aider et d'entendre après, 6 mois après, une jeune fille qui a rappelé pour dire « Oui, vous m'avez conseillé tel truc et je l'ai fait et ça a marché. » Et même au jour d'aujourd'hui, ça me touche encore. Je me rends compte comment ça a touché les jeunes parce que j'ai beaucoup avec qui je travaille, qui ont votre âge, qui me dit « Ouais, je t'ai écouté quand j'étais petite et tu m'avais conseillé tel truc et je l'ai fait. » Et ça me touche parce qu'on ne s'est pas rendu compte de la puissance de la radio. Mais ça a eu une vraie puissance à l'époque. Je voulais savoir, parce que là, c'était assez novateur à Fun Radio, justement, à l'époque, tous ces talk shows. On sait qu'aux États-Unis, c'est apparu avant en France, parce que généralement, ça va dans l'autre sens, hein, Ginny. On va aux États-Unis pour aller prendre des idées. Bien sûr. Alors, est-ce que, justement, vous aviez des idées que vous avez proposées aux directions, au fur et à mesure du temps, à Fun Radio? Un petit peu, mais pas tant que ça, parce que comme ils étaient très à l'écoute déjà ce qui s'est passé aux États-Unis, donc l'idée de Love and Fun est venue d'une idée d'une émission américaine qui s'appelait Love Line. Donc déjà, ils avaient pris cette idée des États-Unis, mais pas tant que ça. Je dirais que ça s'est évolué tout naturellement ensemble, en équipe. Ce qui était sympathique à Fun, c'est on avait vraiment cette notion d'équipe. On a travaillé tous ensemble, on passait parfois d'une émission à l'autre, même si moi je faisais le soir, je passais parfois en journée pour faire un petit saut chez l'émission d'un après-midi. Et voilà, et donc c'était là. Le seul petit appui que peut-être j'ai apporté, c'était, comme je suis fan de cinéma depuis toujours, et après Fun, j'ai fait toute une carrière de journaliste de cinéma, c'était d'un peu apporter ça. Donc moi, j'ai appuyé beaucoup pour qu'on fasse partie du Festival des Cannes. On avait fait les premières Cannes sur un grand bateau juste en dehors du festival, du palais du festival. Et j'avais un peu appuyé là-dessus, sur cette notion de cinéma, d'entretien avec des stars. Comme j'étais là et j'ai parlé anglais, c'était plus facile d'avoir des stars comme AC/DC ou David Bowie ou Slash de Guns N' Roses parce qu'ils savaient que moi je pouvais faire les entretiens en anglais et traduire, qui était le cas après quand j'ai pu apprendre le français. on va revenir là-dessus après. Je vais savoir si à l'époque de Fun Radio, cet accent anglais vous a dérangé, enfin a dérangé des auditeurs. pas tant les auditeurs, mais des hiérarchies, oui. En fait, au moins deux fois, on a essayé de me limoger, de me virer, parce qu'on disait, mais non, ça passe pas, je comprends pas quand elle parle. J'ai eu pas mal ça au début. Et même après Fun, j'avais fait un petit saut à Europe 1 avec Ariane Massenet, qui faisait une émission qui s'appelait Les Pipelettes. Et pareil, ils m'ont viré parce qu'ils ont dit, on comprend pas. Je crois que c'est un truc générationnel, parce qu'à Europe 1, par exemple, les auditeurs étaient beaucoup plus âgés. Donc, ils comprenaient pas. Mais à Fun, c'était des jeunes. Ils avaient l'habitude d'entendre l'accent anglais, en fait, les choses en dans anglais les comme des films, dans les chansons. Donc, ça dérangeait moins. Donc, non, j'ai échappé belle deux, trois fois, mais à chaque fois, j'ai réussi mon coup. J'ai arrivé à rester. Il y avait un animateur qui s'appelait Difool, qui est sur Skyrock maintenant, qui m'a beaucoup soutenu. Qui est toujours sur Skyrock. Qui m'a bien soutenu, qui m'a bien aidé à un moment, qui m'a un peu sauvé et qui a croyé en moi. Et donc, du coup, ça m'a un peu aidé à la radio. Et alors, ça finit comment, justement, toute cette époque Fun Radio? Alors, ça finit, j'ai réfléchi. Au bout de 7-8 ans, bon, comme tout dans la vie, c'était super, c'était une jolie aventure, mais je commençais à dire, je veux faire autre chose. Et comme j'avais fait des études de journalisme pur et dur, et là, à Fun, il faut pas, voilà, on était vraiment dans un optique très jeune, très, très léger. J'avais envie de faire autre chose. Et j'avais aussi envie de faire de la télé. Donc, j'avais fait un peu grâce à Fun Radio, j'ai pu animer Dance Machine, qui était une énorme soirée à Bercy devant 6000 personnes. Et j'ai pu faire mes petites démarches. Il y avait Fun TV à l'époque. Donc, j'ai commencé à faire la télé. Et ça va, je me débrouillais pas trop mal. Et donc, Et ça vous plaisait? C'est-à-dire que ce côté, oui. Parce que là, on passe d'un micro seulement à la caméra, à gérer son image. Tout à fait. Mais comme ce que j'avais étudié à l'université, c'était du broadcast, en fait, le journalisme de la télé. Et comme j'avais tout ce passé de théâtre, chanteuse et tout, ça, c'était facile pour moi. Ça, c'était pas du tout, ça m'a jamais gêné, ce truc. Et je pense qu'en faisant la radio, c'est la meilleure école. Je dis ça maintenant aux jeunes qui me demandent comment faire pour entrer à la télé. Je dis, faites la radio d'abord. Parce que tout est dans l'improvisation, tout est dans la voix, poser la voix. Et je trouve que c'est une bonne école pour ça. Donc, pour revenir à l'histoire de la télé, en fait, j'étais à Fun. J'ai commencé à sentir que ça allait vers la fin pour moi. Et j'ai pensé vraiment à rentrer aux États-Unis. Donc, je dis, écoute, ça fait 8-9 ans que je suis en France. J'ai envie de rentrer aux États-Unis. Donc, j'ai fait une stage pour une chaîne de télévision américaine qui s'appelle NBC. Et j'ai fait ce stage et je me suis dit, écoute, je vais travailler un peu à la télé américaine et après, je vais partir aux États-Unis avec ça sur mon CV, comme quoi j'ai travaillé pour une télé américaine. Et puis, la dame qui m'avait embauchée, elle m'a dit, écoute, j'ai entendu dire qu'à France 3, ils cherchent des journalistes anglophones pour faire une nouvelle émission. Donc, du coup, je suis allée faire un casting pour cette émission qui s'appelait French Focus. C'était produit par France 3, mais fait que pour l'étranger. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire en même temps que Fun, j'ai fait des matinées à la Fun de 6h à 9h. J'ai parti tout de suite à France 3 et j'ai bossé toute la journée de 9h à 18h en faisant cette émission de télé pour les États-Unis. Donc, j'ai bossé comme un malade. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant un bon bout de temps. Et puis après, j'avais un copain d'époque, c'était Manu Lévy, qui est maintenant sur Énergie, qui avait travaillé avec Arthur et qui était avec nous à Fun Radio, qui était déjà à Endemol, qui était la boîte d'Arthur à l'époque. Il m'a dit, bon, écoute, on cherche des chroniqueuses pour une nouvelle émission. Est-ce que tu veux pas venir faire un casting? Donc, je dis, OK, pourquoi pas. Donc, je suis allée faire un petit casting et puis ça a très bien marché. J'étais prise pour le pilote. L'émission n'a pas marché. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelait cette émission, pour tout vous dire. Mais quelques mois après, ils ont commencé le concept d'Exclusive, qui est une émission adaptée d'une émission américaine, justement, sur l'actualité des stars. Et donc, ils m'ont dit, tiens, est-ce que ça vous dit de travailler avec nous? Et voilà, j'ai parti comme ça sur TF1. Et c'est le moment de la première pause musicale. Jenny Godila, vous avez choisi quoi? Alors là, j'ai choisi un morceau qui est le générique, en fait, de notre émission ACP Today qu'on fait ici à Fréquence Protestante. C'est une émission, un morceau de John Mayer qui s'appelle Why Georgia. I'm driving 85 in the kind of morning lasts all afternoon. I'm just stuck inside the gloom. Four more exits to my apartment, but I am tempted to keep the car and drive and leave it all behind. Dans la mécanique des ondes, toujours avec Jenny Godula. C'est pour ça que depuis un quart d'heure, vous écoutez ce petit accent anglais sur Fréquence Protestante. Jenny, on vous a laissé au début d'exclusif, donc sur TF1. Ça, c'était en 96. Vous y restez jusqu'en 2001, donc à peu près, hein, jusqu'à l'apparition de la Star Academy hein, sur TF1. Vous atterrissez sur une grosse chaîne quand même. Ouais, c'était super. C'était un... Pas de pression. Non, franchement, je crois que... En fait, c'est terrible ce que je vais dire, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens, mais comme je venais des États-Unis, qui est un pays énorme, je trouvais en France, ça me semblait... Il n'y avait pas de pression parce que ça me semblait abordable. Ça ne me semblait pas... c'est ridicule ce que je dis, parce qu'en fait, si c'est 1 million de téléspectateurs ou 25 millions de téléspectateurs, c'est quand même beaucoup. Mais je ne sais pas, peut-être c'était parce que ce n'était pas ma langue, je ne sais pas, je l'ai toujours pris à la légère. Donc, je n'avais jamais mis trop de pression. Bien sûr, j'ai travaillé dur, j'ai préparé mes interviews, j'ai fait des directs, voilà, qui étaient diffusés sur TF1 et tout, mais j'avais jamais eu ce stress, non. Alors, qu'est-ce que vous apprenez de plus encore dans cette émission? Sur Exclusive, ce qui était vraiment sympathique, c'était de pouvoir faire des entretiens sur les très courtes durées. Parce que ce qu'il faut savoir avec tout ce qui est interview star, si c'est un Bruce Willis, un Tom Cruise ou un Will Smith, et j'en ai fait presque tous, c'est que quand on fait ces interviews, souvent, c'est ce qu'on appelle une junket. Donc, pour les gens qui connaissent pas, ça veut dire que on rentre en tant que journaliste dans une pièce, la personne, l'acteur ou l'actrice est assise et les journalistes, ils tournent dans un fauteuil vide. Donc, ça veut dire que vous avez à peu près 5 minutes, même pas, pour faire votre entretien. Même un Christophe Beaugrand ou autre, ils ont ces 5 minutes. Mais l'art, c'est de le faire pour que l'auditeur ou le téléspectateur pense que vous êtes les meilleurs copains au monde. Donc c'est ça tout le truc, c'est de savoir comment tout de suite rentrer dans le vif du sujet, d'avoir les bonnes réponses, de savoir quand la personne à qui on a interviewé ne vous donnait pas les bonnes réponses, pour les amener sur un autre chemin, pour faire comme si vous étiez les meilleurs copains au monde, même si vous étiez ensemble que 4 minutes au final. Et c'était vraiment ça le grand défi, ce que j'ai pu apprendre à faire, qui m'a beaucoup aidé plus tard dans ma carrière. Alors justement, après Exclusive, qu'est-ce qui se passe? Après Exclusive, mais j'avais fait pas mal de comment dire, des les primes sur TF1, j'ai fait Les Enfants de la télé pendant 2 saisons, j'avais fait toutes les chansons ont une histoire, j'avais pas mal de primes sur TF1 qui étaient assez sympathiques. Et puis après, à la fin de cette émission, j'ai passé pas mal au câble. Donc j'avais fait TPS Star, une émission qui s'appelait Star Mag, j'ai travaillé sur TMC, j'ai travaillé sur la chaîne Voyage, j'ai fait beaucoup de chaînes câblées pendant un bon moment qui étaient très sympas en faisant toutes sortes d'émissions, surtout de la présentation, toujours avec les acteurs ou vraiment dans cet axe culturel. Et puis après, j'ai rencontré mon mari qui n'est pas arrivé rien. C'est important. Qui n'est pas rien. J'ai eu mes enfants, j'ai eu mon fils et j'avais commencé entre-temps à faire l'événementiel. Ça veut dire que je fais pas mal de festivals. Donc, je fais tous les ans le Festival de cinéma américain de Deauville. Vous le faites toujours? Toujours. Et je fais le Festival de télévision de Monte Carlo et pas mal de festivals comme ça où je suis amenée pour animer les soirées d'ouverture, les soirées de clôture, les présentations sur scène, à faire les traductions en direct des acteurs qui viennent. Et donc, j'ai fait pas mal d'événementiels comme ça. Et donc, ça continuait. J'avais mon petit-fils, je pouponnais, tout allait bien. Et puis, j'ai entendu parler d'un projet qui s'appelait France 24. Donc, France 24, c'est un projet parrainé par l'État. En fait, à l'époque, c'était TF1 et l'État. C'est une chaîne d'infos en contenu que peut-être les auditeurs connaissent, qui est diffusée en 3 langues, en anglais, en français et en arabe. Donc, j'ai fait un casting pour être une présentatrice en anglais, qui changeait pour moi, comme j'avais fait que en français jusqu'à là. Et j'étais prise, et voilà, j'ai commencé ma carrière à France 24, où j'ai fait et les émissions culturelles, et les infos pures, et maintenant je suis que présentatrice pure souche en anglais des infos. Alors c'est depuis 2006, hein. C'est vrai que c'était une époque où il n'y avait pas encore toutes les chaînes encore d'infos en continu en parallèle. Donc c'était un peu un nouveau défi. Alors que vous aux États-Unis, ça fait longtemps avec Bloomberg ou CNN tout à fait. Que ça existe. Ça avait existé un petit peu parce qu'il avait LCI déjà à l'époque. Oui. Donc on connaissait le concept. Mais c'était effectivement sur le câble hein, déjà à l'époque LCI. Et le câble, c'était un peu comme je parlais des débuts de la FM. Le câble en France au début, c'était très comment dire intime. Pas tout le monde avait le câble. Et maintenant, tout le monde l'a chez soi, ou le TNT, France 24 en français, est sur le TNT. Donc, au fur et à mesure, ça s'est ouvert. Mais c'est vraiment un bonus de commencer sur une petite chaîne, entre guillemets. Parce qu'on peut se tromper, on peut trouver ses marques, etc. Et maintenant que France 24 est vue partout dans le monde par quelque chose comme 42 millions de personnes, on se sent un peu plus à l'aise parce qu'on sait qu'on avait déjà fait toutes nos petites erreurs au début. Bon, on est loin d'être parfait, mais au moins, on sent qu'on sait où on va. Oui, parce que pour Jenny Godula, 42 millions de téléspectateurs, c'est pas beaucoup comparé aux États-Unis. Non, mais encore une fois, j'ai dit, on se rend pas compte. C'est comme ici, on est dans notre petit studio, c'est entre vous et moi, on n'a aucune idée si c'est 2 auditeurs, 25 000 auditeurs, 6 millions. C'est pas grave, ce qui est important, c'est le travail, ce qu'on partage entre nous. À la télé, c'est pareil. Ce qui est important, c'est qu'on s'amuse entre nous sur le plateau. Tout à l'heure, on parlait de Fun Radio. À l'époque, on était en train de s'amuser entre nous. À la rigueur, on s'en fichait presque des auditeurs parce qu'on s'amusait tellement. Je crois que c'est ça, la joie du travail, le plaisir de discuter, de partager. C'est ça qui est partagé vers le téléspectateur ou l'auditeur. Et c'est ça qui fait marcher une émission ou une chaîne. Ce qui vous a attiré à France 24, c'est de revenir à votre travail pur de journaliste. Tout à fait. Parce que vous travaillez vous-même vos journaux. Complètement. On fait tout. On travaille nos interviews, on écrit nos lancements de sujets. En fait, c'est vraiment comme un JT, comme un PPDA ou Claire Chazal ou un Pernod. C'est vraiment dans ce sens-là. On prépare les sujets très sérieux. Et là, pour moi, ça, c'est un changement complètement de noir à blanc parce que j'ai passé de Fun Radio, des choses très légères, d'exclusives, le cinéma, la musique, à quelque chose qui est très sérieux. On parle de la guerre en Syrie, on parle de l'Irak, on parle des problèmes dans le monde. Mais pour moi, je dis dans un moment de ma vie où j'avais besoin de ça. Je sais pas si c'est le fait d'être devenue mère ou juste l'âge, mais il me semblait que c'était important de parler des choses sérieuses. Et alors, la prochaine étape, c'est quoi, Jenny Godula? Vous continuez là en ce moment à France 24, mais ça oui, se passe très bien. J'aime bien, j'adore, je suis très bien à France 24. J'adore que la chaîne me donne cette possibilité de continuer mes festivals en parallèle, parce que du coup, je peux toujours toucher dans ce monde qui m'a vachement marqué, de l'entertainment, et puis je peux revenir à France 24 à parler des choses plus sérieuses. Donc pour moi, c'est le meilleur des mondes. Et si on vous propose, je sais pas, quelque chose d'un petit peu plus divertissant, vous y retourneriez ou pas? Oui, pourquoi pas, si j'ai le temps. En fait, je ne crois pas que j'arrêterai France 24, j'aime bien. Hein. Mais si je pourrais le faire en plus, pourquoi pas? Alors, l'invitée précédente, normalement, je la mets à la fin de l'émission, mais là, je vais la mettre maintenant. L'invitée précédente, c'était Clémence Bonfils, qui est technicienne réalisatrice à Radio France. Jenny Godula, moi, j'aimerais te poser la question suivante. C'est quel est ton rêve de radio? voilà, des missions ultimes que t'aimerais présenter, voilà, de projets, de voilà. Donc si tu peux me répondre là-dessus. Un rêve de radio. Un rêve de radio, c'est difficile. Je crois que si j'allais revenir à la radio, je ferais un talk show parce que c'est très sympathique avec des échanges, parce que c'est ça qui m'a marqué le plus dans mes années de radio, c'est de pouvoir justement échanger, de discuter avec les gens, de pas forcément donner des conseils, mais d'apprendre un peu plus sur les gens et ce qu'ils font avec leur vie et qui ils sont vraiment, parce que je trouve ça c'est assez intéressant. Alors ça étire un petit peu la question de Clémence Bonfils, mais est-ce qu'il y a, on vous a déjà rappelé à la radio? Est-ce qu'on m'a appelé? Oui, mais... On vous a proposé des choses. On m'a proposé des choses, mais c'était en FM, c'était un peu ce que j'avais déjà fait. Moi, ce que j'aime pas, c'est de refaire ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est pour ça, j'avais dit, au bout de 7-8 ans de Fun Radio, j'étais prêt à faire autre chose. Et après plusieurs années en télévision, en France, en français, j'étais prêt à faire autre chose en anglais. Donc, j'aime pas trop revenir à ce que j'ai fait avant. Donc, je ne sais pas si je referai exactement comme ce que j'avais fait avant. Donc, la radio. La deuxième pause musicale de Jenny Goodula, c'est Messi Gray avec A Moment to Myself. I saw a rainbow just earlier today. Lately those rainbows be coming round like every day. Deep in the struggle I have found the beauty of me. God is watching, and the devil finally let me be. Here in this moment to myself, I'm gonna ride with no one else. There is a conversation I need to have with me. It's just a moment to myself. Yeah, yeah, yeah. Looking at ya, you got everything to lose. Oh, get up and dance, girl, sing your two-ra-loo-ra-loo. And quit bitching about how don't nobody really love you. Spread your rubber loving and it bounces back to you. Here in this moment to myself, we'll venez d'écouter sur Fréquence Protestante, toujours dans la mécanique des ondes, le deuxième choix de notre invitée d'aujourd'hui, Jenny Godula. C'était Macy Gray avec A Moment to Myself. Vous me disiez en début d'émission que votre accent gênait. On a vu Alex Taylor qui faisait sa chronique tous les matins sur France Inter. Là, arrête. Lui, son accent, qui est peut-être un peu moins prononcé que vous, son accent n'a pas gêné. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il est un homme ou est-ce que... Je ne sais pas. Peut-être c'est une question. Oui, peut-être c'est parce que c'est un homme. Ceci dit, moi, j'ai travaillé avec Alex Taylor sur Continental. C'est lui qui m'a... J'ai sauté une étape. En fait, c'est lui qui m'a donné mon toute première apparition à la télé en France. C'était grâce à Alex Taylor. C'était sur une émission qui s'appelait Continental. C'est une émission où, en fait, il avait pris les infos des JT de tous les pays européens et il montrait un peu comment traiter les infos en Russie, en Irlande, voilà. Et donc, du coup, il m'a embauché pour le remplacer, mais il était pas très malin parce qu'il m'a interviewé en anglais. Et à l'époque, mon français était vraiment pas bon, toujours pas bon. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse sur Alex Taylor, qui je salue et à qui je dis merci parce qu'il m'a beaucoup aidé. Mais par rapport à l'accent, Alex est très fort en langue. En fait, c'est un mec qui peut parler 5 langues. Donc peut-être il avait juste plus l'oreille pour les langues, alors que moi, j'ai toujours mon accent. Ceci dit, il y a une phrase de Cocteau que j'adore, qui est « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi ». Et ça, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé dans ma carrière. C'est que, c'est vrai, on m'a reproché de mon accent, mais c'est aussi grâce à mon accent que j'ai pu avoir toute ma carrière en France. Donc, je crois pas que ça gêne tant que ça, en fin de compte. Et on est dans une série spéciale Ondes féminines, hein, les femmes à la radio et à la télévision. Alors, est-ce que dans votre carrière, vous avez eu une difficulté parce que vous êtes une femme, ou est-ce que vous l'avez peut-être ressentie, même si c'était pas vrai? Franchement, non. Je dirais, j'étais un peu comme un ovni, moi, pour les Français, parce que, à cause de mon accent. Donc, je crois que si j'allais être homme, femme, franchement, aucun problème. Ce qui m'a bloqué un peu, c'est si j'avais envie à l'époque de faire les infos, par exemple, pur et dur, en français, à mon avis, ça aurait pas passé à cause de mon accent. Pas à cause du fait que je suis une femme. Non, vraiment, je me sens plutôt bénie là-dessus. Hein. J'ai jamais trop senti que je n'ai pas eu un travail parce que j'étais une femme. Et une dernière question avant le questionnaire rapide. Si on vous propose de revenir aux États-Unis pour animer à la télé ou à la radio, qu'est-ce que vous dites, Jenny Godula? Oui, encore une fois, oui, pourquoi pas, si je peux revenir en France après. Je vais bien un peu, mais pas pour toujours. Non, j'aime bien la France. Jenny Godula, une femme de radio qui pourrait être votre modèle. J'avais adoré Super Nana à l'époque, quand j'avais fait l'FM. J'ai trouvé qu'elle avait une manière de parler très cash, comme on dit. Elle était vraiment... elle m'a beaucoup marquée parce que ce que j'ai écouté en France à l'époque, je trouvais que c'était un peu langue de bois, un petit peu pour les femmes au moins. Et elle parlait vraiment comme on parle dans la vie. Ça m'a beaucoup marquée. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Mais c'est des radios américaines. Mais justement, alors ça nous permet d'expliquer un petit peu le paysage radiophonique américain qui est extrêmement compliqué. Non, c'est pas vrai. C'est très local. Donc moi, j'étais dans la ville de Chicago. C'était une radio, de WLUP que j'avais adoré à Chicago. Et surtout les top 50, tous les dimanches matins, je me rappelle, je me réveillais en écoutant, oui, 50, 49, on montait, on avait fait ça bien avant la France. Cette idée de le top 10, le top 5, créer le suspense et tout ça. Ils étaient forts pour ça, les Américains. Et on entendait quel était le numéro, chanson numéro 1 de la semaine. Ça, j'avais adoré. Quelle radio vous réveille le matin? France Info. Quelle radio vous endort le soir? J'écoute pas. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Quand je suis dans mon autolib. J'espère que vous écoutez Fréquence Protestante. Hein. J'ai dit quoi, tu l'as? Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? À la maison, en fait, vraiment. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? C'est dur. Je dirais que c'était le moment quand le CSA est devenu, arrêter quelques émissions à Fun Radio. Et il y avait tout un mouvement de jeunes devant nos locaux à Neuilly-sur-Seine, où il y avait vraiment 500, 600 jeunes devant, qu'il fallait passer, en fait, avec les gardes-corps pour passer dans la radio pour faire l'émission. Là, on a pu voir, enfin, l'effet que ça avait sur les jeunes qu'on n'a pas pu vraiment voir quand on était, à l'antenne, en fait, dans les studios. Le pire souvenir, s'il y en a un à retenir? Oh, il n'y avait pas de pire souvenir, franchement. Un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir. Ah là là, il va falloir arrêter parce qu'il faut que je réfléchisse. Non, franchement, j'ai... Non, le seul, comme je vous ai raconté tout à l'heure, c'était le moment où je savais qu'il ne me voulait plus à Europe 1. J'étais déçue, j'avoue. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Mais fais de la radio. Il faut trouver un petit radio local. Il faut essayer de faire une émission. Il faut essayer de proposer une chronique à un animateur. Il faut essayer de trouver un petit truc qui est unique à soi et essayer de faire une petite chronique quelque part, même le tout petit plus radio au monde, pour avoir une maquette, pour après pouvoir envoyer au plus grand radio pour trouver son chemin. Comme ça. Et on va terminer l'émission en parlant de l'émission que vous animez de temps en temps quand vous pouvez, quand vous avez le temps. SCP Today, c'est deux fois par mois sur fréquence protestante. Alors là, c'est dans un cadre plutôt religieux. Mais c'est par hasard, du coup, que je suis retombée sur vous en vous croisant dans les locaux et en voyant votre nom sur les conducteurs. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes embarquée dans cette aventure. Mais c'était juste pour aider. En fait, j'y vais à l'église américaine avec ma famille, en fait, depuis toujours. Et le pasteur est un ami. Et en fait, ils avaient mis une petite annonce. On a notre bulletin, en fait, on appelle ça un bulletin en anglais. En fait, le programme de l'église, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Bon, bref, ils disaient... On vient d'acheter un peu de temps sur une radio, on a besoin d'aide. Et je dis, bon, écoutez, je connais un peu la radio, je pourrais peut-être les aider. Donc, je suis allée un peu comme ça en disant, bon, je peux aider, pourquoi pas. Et donc, du coup, j'ai commencé, mais au premier rendez-vous, ils n'avaient aucune idée de rien. Ils ne savaient même pas ce qu'ils avaient proposé ou acheté ou rien. Donc, je dis, écoute, voici comment on fait une émission, voici le début, la fin, le conducteur, etc. Donc, j'ai pu partager mon expérience, tout simplement. Mais c'est vrai, j'essaie de mettre les autres personnes en avant, les autres animateurs, pour qu'ils puissent apprendre et connaître la joie de la radio que moi j'ai pu connaître dans le passé. Eh bien, franchement, ils ont de la chance d'avoir comme coach Jenny Goody. Bah oui, non, mais c'est vrai, vous leur apportez effectivement toute votre expérience et vous, ça doit vous amuser. Ouais, très, c'est vraiment sympa. Et vous n'avez pas ce besoin d'antenne d'en faire un petit peu plus souvent quand même? Mais non, parce que j'ai tous les jours, en fait, ce que je fais à la télé, c'est presque à la radio, mais avec la caméra. En fait, j'estime que je continue, je fais ce que je fais à la télé, c'est un peu comme la radio. Mais, et d'ailleurs, on est diffusé sur RFI aussi, France 24. Donc, j'ai fait un peu de radio malgré moi. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. En tout cas, on peut donc vous voir sur France 24. Alors, France 24, vous pouvez vous regarder sur votre téléviseur, mais aussi dans les aéroports. Des fois, on peut voir apparaître. Sur le site web, partout. Exactement, exactement. Et donc, vous animez les tranches de... Lundi au jeudi, de 10h à 14h. Eh bien, écoutez, Jenny Godula, à très très bientôt à ce micro. En tout cas, on vous a retrouvé à la dernière émission de juillet d'ACP Today, qu'on peut réécouter sur le site internet. En attendant, eh bien, écoutez, on peut vous suivre effectivement sur France 24. Alors, je vous remercie énormément d'avoir participé à cet épisode de la mécanique des ondes spéciale ondes féminines. Et puis, les émissions, vous pouvez les réécouter sur le site de la radio, fréquenceprotestante.com, et sur le blog dédié de l'émission, www.lamecaniquedesondes.com. Merci, Ginny. Merci beaucoup.